L'Heptaméron des nouvelles de Marguerite de Navarre, enregistré par Christiane Johan. Dixième nouvelle. Floride, après le décès de son mari et avoir vertueusement résisté à Amadour, qui la voit pressée de son honneur jusque au bout, s'en alla rendre religieuse au monastère de Jésus. En la comté d'Arande, en Aragon, y avoit une dame qui, en sa grande jeunesse, demeura veuve du comte d'Arande, avec un fils et une fille, laquelle fille se nommoit Floride. La dicte dame met peine de nourrir ses enfants en toutes les vertus et honnêtetés qui appartiennent à seigneurs et gentilshommes, en sorte que sa maison eut le bruit d'une des honorables qui fussent point en toutes les Espaignes. Elle alloua souvent à Tolède, où se tenoit le roi d'Espaigne, et quand elle venoit à Saragosse, qui estoit près de sa maison, demeure roi longuement avec la roine et à la cour, où elle estoit autant estimée que dame pour roi testre. Une fois, allant de vers le roi, selon sa coutume, lequel estoit à Saragosse en son chasteau de la chasserie, cette dame passa par un village qui estoit au vice-roi de Catalogne, lequel ne bougeoit point de dessus la frontière de Parpignan à cause des grandes guerres qui estoient entre les rois de France et d'Espagne, mais à cette heure-là y estoit la paix, en sorte que le vice-roi, avec tous les capitaines, estoit venu faire la révérence au roi. Sachant ce vice-roi que la comtesse d'Arande passoit par sa terre, alla au-devant d'elle, tant pour l'amitié ancienne qu'il lui portoit, que pour l'honorer comme parente du roi. Or, il avoit en sa compagnie plusieurs honnêtes gentilshommes qui, par la fréquentation de longues guerres, avoient acquis tant d'honneurs et bons bruits que chacun qui les pouvait voir et hanter se tenoit heureux. Et entre les autres, y en avoit un nommé Amadour, lequel, combien qu'ils n'eussent que 18 ou 19 ans, s'y avoit-il la grâce tant assurée et le sens si bon qu'on l'eût jugé entre 1000 digne de gouverner une chose publique. Il est vrai que ce bon sens-là estoit accompagné d'une si grande et naïve beauté qu'il n'y avoit œil qui ne se tint content de le regarder, et si la beauté estoit tant exquise, la parole la suivoit de si près que l'on ne savoit à qui donner l'honneur ou à la grâce ou à la beauté ou au bien parler. Mais ce qui le faisoit encore plus estimer, c'estoit sa grande hardiesse, dont le bruit n'estoit empêché pour sa jeunesse, car en tant de lieux avoit déjà montré ce qu'il savait faire, que non seulement les Espagnes, mais la France et l'Italie estimoient grandement ses vertus pour ce que, à toutes les guerres qu'il avoit testées, il ne se estoit point espargné, et, quand son pays estoit en repos, il alloit chercher la guerre aux lieux étranges où il estoit aimé et estimé d'amis et d'ennemis. Ce gentilhomme, pour l'amour de son capitaine, se trouva en ceste terre où estoit arrivée la comtesse d'Arande, et, regardant la beauté et bonne grâce de sa fille Floride, qui pour l'heure n'avoit que 12 ans, se pensa en lui-même que c'estoit bien la plus honnête personne qu'il avoit jamais vue, et que, s'il pouvait avoir sa bonne grâce, il en sera plus satisfait que tous les biens et plaisirs qu'il pourroit avoir d'une autre. Et après l'avoir longuement regardé, se délibéra de l'aimer, quelque impossibilité que la raison lui meste tout devant, tant pour la maison dont elle estoit que pour l'âge qui ne pouva encore entendre tel propos. Mais contre cette crainte, se fortifioit d'une bonne espérance, se promettant à lui-même que le temps et la patience apporteront heureuse fin à ses labeurs. Et dès ce temps, l'amour gentil, qui, sans autre occasion que par sa force même, estoit entré dans le cœur d'Amadour, lui promis de lui donner toute faveur et moyen pour y atteindre. Et pour parvenir à la plus grande difficulté qui estoit la longue tenneté du pays où il demeuroit et le peu d'occasion qu'il avoit de revoir Floride, se pensa de se marier contre la délibération qu'il avoit faite avec les dames de Barcelone et de Parpignan, où il avoit tel crédit que, peu ou rien, lui estoit refusé, et avoit tellement hanté cette frontière à cause des guerres qu'il s'emboit mieux catalan que castillan, combien qu'il fût natif d'auprès de Tolède, d'une maison riche et honorable. Mais, à cause qu'il estoit puissné, n'avoit rien de son patrimoine. Si est-ce qu'amour et fortune, le voyant délaissé de ses parents, délibérèrent d'en faire leur chef d'œuvre, et lui donnèrent par le moyen de la vertu ce que les lois du pays lui refusoient, il estoit fort à donner en l'estat de la guerre, et tant aimé de tous seigneurs et princes qu'il refusoit plus souvent leurs biens qu'il n'avoit souci de leur en demander. La comtesse dont je vous parle arriva aussi en Saragosse et fut très bien reçue du roi et de toute sa cour. Le gouverneur de Catalogne la venoit souvent visiter et Amadour n'avoit garde de faillir à la compaigner pour avoir seulement le plaisir de regarder Floride car il n'avoit nul moyen de parler à elle et pour se donner à Cogniastre en telle compagnie s'adressa à la fille d'un vieil chevalier voisin de sa maison nommé Aventurade, laquelle avoit avec Floride tellement converse qu'elle savoit tout ce qui estoit caché en son cœur. Amadour, tant pour l'honnêteté qu'il trouva en elle que pour ce qu'elle avait 3000 ducats de rente en mariage, délibéra de l'entretenir comme celui qui la vouloit espouser, à quoi volontiers elle presta l'oreille, et pour ce qu'il estoit pauvre et le père de la damoiselle riche, pensa que jamais ils ne s'accorderont à ce mariage, sinon par le moyen de la comtesse d'Arande à Madame Floride lui dit « Madame, vous voyez ce gentilhomme Castillon qui souvent parle à moi. Je crois que toute sa prétende n'est que pour m'avoir en mariage. Vous savez quel père j'ai, lequel jamais ne s'y consentira si par la comtesse et par vous il n'en est bien fort prié. Floride, qui est moi la damoiselle comme elle-même, la sera de prendre cette affaire à cœur comme son bien propre et fait tant Aventurade qu'elle lui présenta Amadour, lequel lui baisant la main, cuida s'évanouir d'aise. Là où il estoit estimé le mieux parlant qui fût en Espagne, devint muet devant Floride, tant elle fut fort estonnée, car combien qu'elle n'eût que 12 ans, s'y avoit-elle déjà bien entendu qu'il n'y avoit homme en l'Espagne mieux disant ce qu'il vouloit et de meilleure grâce, et voyant qu'il ne lui tenoit nul propos, commença à lui dire « La renommée que vous avez, seigneur Amadour, par toutes les Espagnes, est telle qu'elle vous rend connue en toute cette compagnie. » Et donne désir à ceux qui vous connoissent de s'employer à vous faire plaisir. Par quoi, si en quelque endroit que je vous en puis faire, vous me y pouvez employer. » Amadour, qui regardoit la beauté de sa dame, estoit si très ravi que à peine lui peut-il dire grand merci, et combien que Floride s'estonnast de le voir sans réponse, si est-ce qu'elle l'attribuât plutôt à quelque sottise que à la force d'amour, et passa outre sans parler davantage. Amadour cognoissant la vertu qui, en si grande jeunesse, commençoit à se monstrer en Floride, dist à celle qu'il vouloit espouser, « Ne vous esmerveillez point si j'ai perdu la parole devant Madame Floride, car les vertus et la sage parole qui sont cachées sous cette grande jeunesse m'ont tellement estonné que je ne lui ai su que dire. » Mais je vous prie, Aventurade, comme celle qui savait ses secrets, me dire s'il est possible qu'en ceste cour, elle n'ait tous les cœurs des gentilshommes, car seuls qui la cognoisteront et ne l'aimeront seront pierres ou bestes. Aventurade, qui, dès gens, aimait Amadour plus que tous les hommes du monde, ne lui voulut rien sceller, et lui dit que Madame Floride estoit aimée de tout le monde, mais à cause de la coutume du pays, peu de gens parloient à elle. Et n'en avait point encore vu nul qui en fasse grand semblant, sinon deux princes d'Espagne qui désiroient l'épouser, l'un desquels estoit le fils de l'infante fortunée, l'autre estoit le jeune duc de Cardone. Je vous prie, dit Amadour, dicte-moi lequel vous pensez qu'elle aime le mieux. Elle est si sage, dit Aventurade, que pour rien ne confesseroit avoir autre volonté que celle de sa mère. Toutefois, à ce que nous en pouvons juger, elle aime trop mieux le fils de l'infant fortuné que le jeune duc de Cardone, mais sa mère, pour l'avoir plus près d'elle, l'aimera mieux à Cardone, et je vous tiens, homme, de si bon jugement que, si vous vouliez dès aujourd'hui, vous en pourriez juger la vérité, car le fils de l'infant fortuné est nourri en ceste cour qui est un des plus beaux et parfaits jeunes princes qui soit en la chrétienté. Et si le mariage se faisoit, par l'opinion d'entre nous, filles, il seroit assuré d'avoir Madame Floride pour voir ensemble le plus beau couple de toute l'Espagne. Il faut que vous entendiez que, combien qu'ils soient tous deux jeunes, elle de 12 et lui de 15 ans, si a-il déjà 3 ans que l'amour est commencé, et, si vous voulez avoir la bonne grâce d'elle, je vous conseille de vous faire ami et serviteur de lui. Amadour fut fort aise de voir que sa dame et moi quelque chose, espérant qu'à la longue, il gagnerait le lieu, non de mari, mais de serviteur, car il ne craignoit en sa vertu, sinon qu'elle ne voulsiste t'aimer. Et après ces propos, s'en alla Amadour hanter le fils de l'infant fortuné, lequel il eut aisément la bonne grâce, car tous les passe-temps que le jeune prince et moi, Amadour les savoit faire, et surtout, es-toi fort adroit à manier les chevaux et s'aider de toutes sortes d'armes et à tous les passe-temps et jeux qu'un jeune homme doit savoir. La guerre recommença en Languedoc et fallut qu'Amadour retournasse avec le gouverneur, ce qui ne fut sans grand regret, car il n'y avoit moyen par lequel ils peussent retourner en lieu où ils peussent voir Floride. Et pour cette occasion, à son partement, parla à un sien frère qui est-toi majordome de la Roanne d'Espaigne. Ils lui disent le bon parti qu'il avoit trouvé en la maison de la comtesse d'Arande, de la damoiselle Aventurade, lui priant qu'en son absence feste tout son possible que le mariage vînt à exécution et qu'il employât le crédit de la Roanne et du roi et de tous ses amis. Le gentilhomme, qui est moi son frère, tant pour le lignage que pour ses grandes vertus, lui promit y faire son devoir, ce qu'il fait, en sorte que le père, vieux et avaricieux, oblia son naturel pour regarder les vertus d'Amadour, lesquelles la comtesse d'Arande, et surtout la belle Floride, lui peignoit devant les yeux, pareillement le jeune comte d'Arande qui commençoit à croître, et en croissant à aimer les gens vertueux. Quand le mariage fut accordé entre les parents, le majordome de la Roanne envoya quérir son frère, tandis que les trêves du roi entre les deux rois. Durant ce temps, le roi d'Espagne se retira à Madrid pour éviter le mauvais air qui estoit en plusieurs lieux et par l'advis de ceux de son conseil, à la requête aussi de la comtesse d'Arande, fait le mariage de l'héritière duchesse de Medinaceli avec le petit comte d'Arande, tant pour le bien et union de leur maison que pour l'amour qu'il portoit à la comtesse d'Arande et voulut faire les noces au château de Madrid. À ces noces se trouva Amadour, qui poursuivit si bien les siennes qu'il espousa celle dont il estoit plus aimé qu'il n'y avoit d'affection, sinon d'autant que ce mariage lui estoit très heureuse couverture et moyen de hanter le lieu où son esprit donne au roi incessamment. Après qu'il fut marié, print telle hardiesse et privauté en la maison de la comtesse d'Arande que l'on ne se gardoit de lui non plus que d'une femme, et combien que à l'heure ils n'eussent que 22 ans, si est-toi si sais-je que la comtesse d'Arande lui communiquoit toutes ses affaires et commandoit à son fils de l'entretenir et croire ce qui leur conseilleroit. Ayant gagné ce point-là de ceste grande estime, se conduisoit si sagement et froidement que même celle qu'il aimoit ne commuassoit point son affection. Mais, pour l'amour de sa femme, qu'elle aimoit plus que nulle autre, elle estoit si privée de lui qu'elle ne lui dissimuloit chose qu'elle pensaste et eut cette heure qu'elle lui déclaira tout l'amour qu'elle portoit au fils de l'infante fortunée. Et lui, qui ne tâchait que à la gagner entièrement, lui en parloit incessamment, car il ne lui chaloit quel propos il lui tint, mais qu'il eut moyen de l'entretenir longuement. Il ne demeura point un mois en la compagnie, après ses noces, qu'ils fussent contraints de retourner à la guerre, où il demeura plus de 2 ans, sans revenir voir sa femme, laquelle se tenoit toujours où elle avait été nourrie. Durant ce temps, lui escribois souvent Amadour, mais le plus de la lettre estoit des recommandations à Floride, qui de son côté ne faillait à lui en rendre, et mectoit quelques bons mots de sa main en la lettre qu'Aventura d'escribois, qui estoit l'occasion de rendre son mari très soigneux de lui rescrire. Mais en tout ceci ne commuassoit rien Floride, sinon qu'elle l'aimoit comme si c'eût été son propre frère. Plusieurs fois là et vint Amadour, en sorte qu'en 5 ans ne vint pas Floride 2 mois durant. Et toutefois l'amour, en dépit de l'éloignement et de la longueur de l'absence, ne laissoit pas de croître. Et advint qu'il fait un voyage pour venir voir sa femme et trouva la comtesse bien loin de la cour, car le roi d'Espagne s'en estoit allé à l'Andalousie et avoit mené avec lui le jeune comte d'Arande, qui déjà commençoit à porter armes. La comtesse d'Arande s'estoit retirée en une maison de plaisance qu'elle avoua sur la frontière d'Aragon et de Navarre, et fut fort aise quand elle veut de revenir à Madour, lequel près de 3 ans avoua testé absent. Il fut bienvenu d'un chasquin et commanda la comtesse qu'il fût tracté comme son propre fils. Tandis qu'il fut avec elle, elle lui communiqua toutes les affaires de sa maison et en remettoit la plupart à son opinion et gagna un si grand crédit en ceste maison que en tous les lieux où il voulut venir, on lui ouvroit toujours la porte, estimant sa prédomie si grande que l'on se fiait en lui de toutes choses comme un saint ou un ange. Floride, pour l'amitié qu'elle portoit à sa femme Aventurade et à lui, le cherchoit en tout lieu où elle le voyoit, et ne se doutait en rien de son intention, par quoi elle ne se gardoit de nulle contenance pour ce que son cœur ne souffroit nulle passion, sinon qu'elle sentait un très grand contentement quand elle estoit auprès de lui, mais autre chose n'y pensoit. Amadour, pour éviter le jugement de ceux qui ont expérimenté la différence du regard des amants au prix des autres, fut en grande peine, car, quand Floride venoit parler à lui, privément, comme celle qui ne pensoit en nul mal, le feu caché en son cœur le bruceloit si fort qu'il ne pouvoit empêcher que la couleur ne lui montasse au visage et que les étincelles saillissent par ses yeux. Et afin que, par fréquentation, nul ne s'en peut apercevoir, se met à entretenir une fort belle dame, nommée Pauline, femme qui en son temps fut estimée si belle que peu d'hommes qui l'avaient œil échappaient de ses liens. Ceste Pauline, ayant entendu comme Amadour avoit mené l'amour à Barcelone et à Parpignan, en sorte qu'il estoit aimé des plus belles et honnêtes dames du pays, et surtout d'une comtesse de Palamos, que l'on estimoit la première en beauté de toutes les dames d'Espagne et de plusieurs autres, lui disent qu'elle avoit grande pitié de lui. Veut qu'après tant de bonne fortune, il avoit espousé une femme si laide que la sienne. Amadour, entendant bien par ses paroles qu'elle avoit envie de remédier à sa nécessité, lui en tint les meilleurs propos qu'il fût possible, pensant que, en lui faisant accroire un mensonge, il lui couvrirait une vérité. Mais elle, fine, expérimentée en amour, ne se contenta de paroles. Toutefois, sentant très bien que son cœur n'estoit satisfait de cet amour, se doupta qu'il a voulu si faire servir de couverture, et, pour cette occasion, le regardoit de si près qu'elle avoit toujours le regard à ses yeux, qui savoit si bien feindre qu'elle ne pouvoit juger que par bien obscurs soupçons. Mais ce n'estoit ce sans grande peine au gentilhomme, auquel Floride, ignorant toutes ses malices, s'adressoit souvent devant Pauline si privément qu'il avoit une merveilleuse peine à contraindre son regard contre son cœur, et, pour éviter qu'il n'en vînt inconvénient, un jour, parlant à Floride, appuyé sur une fenêtre, lui tint tel propos. « Mamie, je vous supplie me conseiller lequel vaut mieux, parler ou mourir ?» Floride lui répondit promptement, « Je conseillerai toujours à mes amis de parler et non de mourir, car il y a peu de paroles qui ne se puissent amender, mais la vie perdue ne se peut te recouvrer. » « Vous me promettrez donc, dit Amadour, que vous ne serez non seulement mari des propos que je veux vous le dire, mais estonné jusque à temps que vous entendiez la fin. » Elle lui répondit, « Dicte ce qu'il vous plaira, car si vous m'estonnez, nul autre ne m'asserrera. » Il commença à lui dire, « Madame, je ne vous ai encore voulu dire la très grande affection que je vous porte pour 2 raisons. L'une que j'entendois par long service vous en donner l'expérience, l'autre que je doutois que vous estimissiez gloire en moi, qui suis un simple gentilhomme, de m'adresser en lieu qu'il ne m'appartient de regarder, et encore, quand je serai prince comme vous, la loyauté de votre cœur ne me permettroit que un qu'nôtre, que celui qui en a prince la possession, fils de l'enfant fortuné, vous tienne propos d'amitié. Mais, madame, tout ainsi que la nécessité, en une forte guerre, contrainte de faire le dégât de son propre bien et ruiner le bled en herbe, de peur que l'ennemi n'en puisse faire son profit, ainsi pense, je le hasard, de avancer le fruit que, avec le temps, j'espérois cueillir pour garder que les ennemis de vous et de moi n'en puissent faire leur profit à votre dommage. Entendez, madame, que dès lors de votre grande jeunesse, je me suis tellement dédié à votre service que je n'ai cessé de chercher les moyens pour acquérir votre bonne grâce, et pour cette occasion seule me suis mariée à celle que je pensois que vous aimiez le mieux, et sachant l'amour que vous portiez au fils de l'infante fortunée, ai mis peine de le servir et hanté comme vous savez, et tout ce que j'ai pensé vous plaire, je l'ai cherché de tout mon pouvoir. Vous voyez que j'ai acquis la grâce de la comtesse, votre mère, et du comte, votre frère, et de tous ceux que vous aimez, tellement que je suis en cette maison tenu non comme serviteur, mais comme enfant, et tout le travail que j'ai prince il y a 5 ans n'a été que pour vivre toute ma vie avec vous. Entendez, madame, que je ne suis point de ceux qui prétendent par ce moyen avoir de vous né bien né plaisir autre que vertueux. Je sais que je ne vous puis espouser, et quand je le pourrois, je ne le voudrois contre l'amour que vous portez à celui que je désire vous voir pour mari, et aussi de vous aimer d'une amour vicieuse, comme ceux qui espèrent de leur long service une récompense au déshonneur des dames. Je suis si loin de cette affection que j'aimerois mieux vous voir morte que de vous savoir moins digne d'être aimée, et que la vertu fût amoindrie en vous pour quelque plaisir qui m'en sût advenir. Je ne prétends pour la fin et récompense de mon service que une chose, c'est que vous me vouliez être maîtresse si loyale que jamais vous ne m'éloigniez de votre bonne grâce, que vous me continuiez au degré où je suis, vous fiant en moi plus qu'en nul autre, prenant cette sûreté de moi que si, pour votre honneur ou chose qui vous touchaste, vous avez besoin de la vie d'un gentilhomme, la mienne y sera de très bon cœur employée, et en pouvait faire état, pareillement que toutes les choses honnestes et vertueuses que je ferai seront faites seulement pour l'amour de vous. Et si j'effecte pour dame moindre que vous, chose dont on effecte estime, soyez sœur que, pour une telle maîtresse, mes entreprises croisseront, de telle sorte que les choses que je trouvois impossibles me seront très faciles. Mais si vous ne m'acceptez pour du tout vostre, je délibère de laisser les armes et renoncer à la vertu qui ne m'aura secouru à mon besoin. Par quoi, madame, je vous supplie que ma juste requête me soit octroyée, puisque votre honneur et conscience ne me la peuvent refuser. » La jeune dame, ayant un propos non accoutumé, commença à changer de couleur et baisser les yeux comme femme estonnée. Toutefois, elle, qui est toi, sais-je, lui dit « Puisque ainsi est, Hamadour, que vous demandez de moi ce que vous en avez, pourquoi est-ce que vous me faites une si grande et longue harangue? J'ai si grand peur que, sous vos honnêtes propos, il y ait quelque malice cachée pour décevoir l'ignorance jointe à ma jeunesse, que je suis en grande perplexité de vous resplendre, car, de refuser l'honnête amitié que vous m'offrez, je ferai le contraire de ce que j'effecte jusqu'ici, que je me suis plus fiée en vous qu'en tous les hommes du monde. Ma conscience ni mon honneur ne contreviennent point à votre demande, ni l'amour que je porte au fils de l'infant fortuné, car elle est fondée sur mariage, où vous ne prétendez rien. Je ne sais chose qui me doive empêcher de faire réponse selon votre désir, sinon une crainte que j'ai en mon cœur, fondée sur le peu d'occasion que vous avez de me tenir tel propos. Car si vous avez ce que vous demandez, qui vous contraint d'en parler si affectionnement? Hamadour, qui n'est toi sans réponse, lui dit « Madame, vous parlez très prudemment, et me faites tant d'honneur de la fiance que vous dictez avoir en moi que, si je me contente d'un tel bien, je suis indigne de tous les autres. Mais entendez, madame, que celui qui veut te bâtir un édifice perpétuel, il doit regarder à prendre un sûr et ferme fondement. Par quoi, moi qui désire perpétuellement demeurer en votre service, je dois regarder non seulement les moyens pour me tenir près de vous, mais empêcher qu'on ne puisse connaître la très grande affection que je vous porte. Car combien qu'elle soit tant honnête qu'elle se puisse prêcher partout, si est-ce que ceux qui ignorent le cœur des amants ont souvent jugé contre vérité, et de cela vient autant mauvais bruit que si les effets estoient méchants. Ce qui me fait dire ceci, et ce qui m'a fait avancer de le vous déclairer, c'est Pauline, laquelle a prince un si grand soupçon sur moi, sentant bien en son cœur que je ne la puis aimer, qu'elle ne fait en tout lieu que espier ma contenance. Et quand vous venez parler à moi devant elle si privément, j'ai si grand pavor de faire quelques signes où elle fonde jugement que je tombe en inconvénient dont je me veux garder, en sorte que j'ai pensé vous supplier que devant elle et devant celle que vous commuassiez aussi malicieuse, ne veniez parler à moi ainsi soudainement, car j'aimerais mieux être mort que créature vivante en eût la commuassance. Et n'eût été l'amour que j'ai à votre honneur, je n'avais point proposé de vous tenir ces propos, d'autant que je me tiens assez heureux de l'amour et fiance que vous me portez, où je ne demande rien davantage que persévérance. Floride, tant contente qu'elle n'en pouvait plus porter, commença à sentir en son cœur quelque chose plus qu'elle n'avoit accoustumé, et voyant les honnestes raisons qui lui allégoient, lui disent que la vertu et honnêteté répondroient pour elle et lui accordoient ce qu'elle demandoit, dont si Amadour fut joyeux, nul qui aime ne le peut doubter. Mais Floride creut trop plus son conseil qu'il ne vouloit, car elle, qui est toi craintive, non seulement devant Pauline, mais devant tous autres lieux, commençoit à ne le chercher pas comme elle avait accoustumé, et, en cet éloignement, trouva mauvais la grande fréquentation qu'Amadour avoit avec Pauline, laquelle elle voyait tant belle qu'elle ne pouvait croire qu'il ne l'aimasse, et pour passer sa grande tristesse, entretenoit toujours Aventurade, laquelle commençoit fort à être jalouse de son mari et de Pauline, et s'en plaignoit souvent à Floride, qui la consoloit le mieux qu'il lui estoit possible, comme celle qui estoit frappée d'une même peste. Amadour s'aperçut bientôt de la contenance de Floride, et non seulement pensa qu'elle s'éloignoit de lui par son conseil, mais qu'il y avoit quelque fâcheuse opinion mêlée. Et un jour, venant de vespre d'un monastère, lui dit « Madame, quelle contenance me faites-vous » « Telle que je pense que vous la voulez, » répondit Floride. À l'heure, soupçonnant la vérité, pour savoir si l'estoit vrai, va dire « Madame, j'ai tant fait par mes journées que Pauline n'a plus d'opinion de vous. » Elle lui répondit « Vous ne sauriez me faire, et pour vous et pour moi, car, en faisant plaisir à vous-même, vous me faites honneur. » Amadour estima par cette parole qu'elle estimoit qu'il prenoit plaisir à parler à Pauline, dont il fut si désespéré qu'il ne se peut tenir de lui dire en colère « Ah, madame, c'est bientôt commencé de tormenter un serviteur et le lapider de bonheur, car je ne pense point avoir porté peine qui m'ait été plus ennuyeuse que la contrainte de parler à celle que je n'aime point. » Et puis que ce que je fais pour votre service est prince de vous en autre part, je ne parlerai jamais à elle et en advienne ce qu'il en pourra advenir. Et afin de dissimuler mon courroux, comme j'effecte mon contentement, je m'envoie en quelque lieu ici auprès en attendant que votre fantaisie soit passée. Mais j'espère que là, j'aurai quelques nouvelles de mon capitaine de retourner à la guerre, où je demeurerai si longtemps que vous commuasterez que autre chose que vous ne me tient en ce lieu. » Et en se disant, sans attendre autre réponse d'elle, partit incontinent. Floride demeura tant ennuyée et triste qu'il n'estoit possible de plus, et commença l'amour, poussé de son contraire, à montrer sa très grande force, tellement que elle, commuassant son tort, escrivoit incessamment à Amadour, le priant de vouloir retourner, ce qu'il fait après quelques jours que sa grande colère lui estoit diminuée. Je ne saurois entreprendre de vous conter par le menu les propos qu'ils eurent pour rompre cette jalousie. Toutefois, il gagna la bataille, tant qu'elle lui promiste que jamais elle ne croirait non seulement qu'il aimast Pauline, mais qu'elle soit roi tout assuré que celui estoit un martyr trop importable de parler à elle ou à autre, sinon pour lui faire service. Après que l'amour eût vaincu ce premier soupçon, et que les deux amants commencèrent à prendre plus de plaisir que jamais à parler ensemble, les nouvelles vinrent que le roi d'Espagne envoyait toute son armée à Sauls, par quoi celui qui avoit accoustumé d'être le premier n'avoit garde de faillir à pourchasser son honneur, mais il est vrai que s'estoit avec un autre regret qu'il n'avoit accoustumé, tant de perdre son plaisir qu'il avoit de peur de trouver mutation à son retour, pour ce qu'il voit Floride pourchasser de grands princes et seigneurs, et déjà parvenu à l'âge de 15 à 16 ans. Par quoi pensa que, si elle estoit en son absence mariée, il n'auroit plus occasion de la voir, sinon que la comtesse d'Arande lui donna cette Aventurade sa femme pour compagnie, et mena si bien son affaire envers ses amis que la comtesse et Floride lui poursuivèrent que, en quelque lieu qu'elles fussent mariées, sa femme Aventurade y roit. et combien qu'ils fussent question de marier Floride en Portugal, si estoy ils délibéraient qu'elle ne l'abandonneroit jamais, et sur cette assurance, non sans un regret indicible, s'empartit Amadour et laissa sa femme avec la comtesse. Quand Floride se veille seule après le département de son bon serviteur, elle se met à faire toutes choses si bonnes et vertueuses qu'elle espéroit, par cela, atteindre le bruit des plus parfaites dames et d'être réputée digne d'avoir un tel serviteur que Amadour, lequel, estant arrivé à Barcelone, fut festoyé des dames comme il avoit accoutumé, mais elles le trouvèrent tant changé qu'elles n'eussent jamais pensé que mariage eût telle puissance sur un gnome comme il avoit sur lui, car il sembloit qu'il se fâchait de voir les choses que autrefois il avoit désirées. Et même la comtesse de Palamos, qui l'avoit tant aimée, ne se trouvait moyen de le faire aller seulement jusque à son logis. Amadour resta à Barcelone le moins qu'il lui fut possible, comme celui à qui l'heure tardoit d'être au lieu où l'on espéroit que lui, et quand il fut arrivé à Sols, commença la guerre grande et cruelle entre les deux rois, laquelle ne suis délibérée à raconter, n'est aussi les beaux faits que fait Amadour, car mon compte sera assez long pour employer toute une journée, mais sachez qu'il emportoit le bruit par-dessus tous ses compagnons. Le duc de Nageur arriva à Perpignan, ayant charge de 2000 hommes, et pria Amadour d'être son lieutenant, lequel, avec cette bande, fait tant bien son devoir que l'on noyoit en toutes les escarmouches crier que « Nageur ». Or, advint que le roi de Tunis, qui de longtemps faisoit la guerre aux Espagnols, entendant comme les rois de France et d'Espagne faisoient la guerre l'un contre l'autre sur les frontières de Perpignan et Narbonne, se pensa qu'en meilleure saison ne pourroit-il faire desplaisir au roi d'Espagne, et envoya un grand nombre de fustes et autres vaisseaux pour piller et destruire tout ce qu'il pourroit trouver mal gardé sur les frontières d'Espagne. Ceux de Barcelone, voyant passer devant eux une grande quantité de voiles, en advertirent le vice-roi, qu'estoy à Sols, lequel incontinent envoya le duc de Nager à Palamos, et quand les morts verrent que le lieu estoit si bien gardé, feignirent de passer outre, mais sur l'heure de minuit retournèrent et mirent tant de gens à terre, et mirent tant de gens en terre, que le duc de Nager, surprince de ses ennemis, fut emmené prisonnier. Amadour, qu'estoit fort vigilant, entendit le bruit, assembla incontinent le plus grand nombre qu'il peut de ses gens, et se défendit si bien que la force de ses ennemis fut longtemps sans lui pouvoir nuire. Mais, à la fin, sachant que le duc de Nager estoit prince, et que les Turcs estoient délibérés de mettre le feu à Palamos et le brûler en la maison qu'il tenoit forte contre eux, aima mieux se rendre que d'être cause de la perdition des gens de bien qu'estoit en sa compagnie. Et aussi que, se mettant à rançon, espéroit encore revoir Floride. À l'heure, se rendit à un Turc nommé Dorlin, gouverneur du roi de Tunis, lequel le mena à son maître, où il fut le très bien reçu et encore mieux gardé, car il pensoit bien, l'ayant entre ses mains, avoir l'Achille de toutes les Espagnes. Ainsi demeura Amadour près de 2 ans au service du roi de Tunis. Les nouvelles vinrent en Espagne de ceste prince, dont les parents du duc de Nager firent un grand deuil, mais ceux qui aimoient l'honneur du pays estimèrent plus grande la perte de Amadour. Le bruit en vint dans la maison de la comtesse d'Arande, où pour l'heure estoit la pauvre aventurade grièvement malade. La comtesse, qui se doutait fort bien de l'affection que Amadour portoit à sa fille, laquelle elle souffroit et dissimuloit pour les vertus qu'elle commuassoit en lui, appela sa fille à part et lui dit les piteuses nouvelles. Floride, qui savait bien dissimuler, lui dit que c'estoit grande perte pour toute leur maison et que surtout elle avoit pitié de sa pauvre femme, veut mêmement la maladie où elle estoit. Mais voyant sa mère pleurer très fort, laissa aller quelques larmes pour lui tenir compagnie, de peur que, par trop feindre, sa feinte ne fût découverte. Depuis cette heure-là, la comtesse lui en parloit souvent, mais jamais ne sut tirer de sa contenance chose où elle peut asseoir jugement. je laisserai à dire les voyages, prières, oraisons et jeûnes que faisoit ordinairement Floride pour le salut de Amadour, lequel incontinent qu'il fût à Tunis ne faillit d'envoyer de ses nouvelles à ses amis et par homme forceur advertir Floride qu'il estoit en bonne santé et espoir de la revoir, qui fut à la pauvre dame le seul moyen de soutenir son ennui. Et ne doutez, puisqu'il lui estoit permis d'escrire, qu'elle s'en acquitta si diligemment que Amadour n'eut point faute de la consolation de ses lettres et épistres. Et fut mandée la comtesse d'Arande pour aller à Saragosse, où le roi estoit arrivé. Et là se trouva le jeune duc de Cardonne, qui fait poursuite si grande envers le roi et la roine qu'ils prièrent la comtesse de faire le mariage de lui et de sa fille. La comtesse, comme celle qui en rien ne leur vouloit désobéir, l'accorda, estimant qu'en sa fille qui estoit si jeune, n'y avoit volonté que la sienne. Quand tout l'accord fut fait, elles disent à sa fille comme elle lui avoit choisi le parti qui lui sembloit le plus nécessaire. La fille, sachant que en une chose faite ne falloit point de conseil, lui disent que Dieu fût loué du tout, et voyant sa mère si étrange envers elle, aima mieux lui obéir que d'avoir pitié de soi-même. Et pour la réjouir de tant de malheurs, entendit que l'infant, fortuné, estoit malade à la mort, mais jamais devant sa mère ne nul autre n'en fint un seul semblant, et se contraignit si fort que les larmes, par force, retirées en son cœur, firent sortir le sang par le nez en telle abondance que la vie fut en danger de s'en aller quand, et quand, pour la restaurer, espousa celui qu'elle eût volontiers changé à la mort. Après les noces faites, s'en alla Floride avec son mari en la duchée de Cardonne, et mena avec elle Aventurade, à laquelle elle faisoit privément ses complaintes, tant de la rigueur que sa mère lui avoit tenue que du regret d'avoir perdu le fils de l'infant fortuné, mais du regret d'Amadour ne lui en parlait que par manière de la consoler. Ceste jeune dame, donc, se délibéra de mettre Dieu et l'honneur devant ses œils, et dissimula si bien ses ennuis que jamais nul des siens ne s'aperçut que son mari lui désplut. Ainsi passa un long temps Floride, vivant d'une vie moins belle que la mort, ce qu'elle ne faillit demander à son serviteur Amadour, lequel, connaissant son grand et honnête cœur et l'amour qu'elle portoit au fils de l'infant fortuné, pensa qu'il estoit impossible qu'elle cesse de vivre longuement, et la regretta comme celle qu'il tenoit pique morte. Ceste peine augmenta celle qui la voit, et eût voulu de mourir toute sa vie esclave comme il estoit, et que Floride eût en un mari selon son désir, oubliant son mal pour celui qu'il sentoit que pour toi s'ami. Et pour ce qu'il entendit par un gami qui la voit acquis à la cour du roi de Tunis, que le roi estoit délibéré de lui faire présenter le pal, ou qu'il eût à renoncer sa foi, pour l'envie qu'il avoit s'il le pouvoir rendre bon turc, de le tenir avec lui, il fait tant avec le maître qu'il l'avoit prince, qu'il le laissa aller sur sa foi, le mettant à si grande rançon qu'il ne pensa point qu'un gnome de si peu de bien la peste trouver, et ainsi, sans en parler au roi, le laissa son maître aller sur sa foi. Lui, venu à la cour de vers le roi d'Espagne, s'empartit bientôt pour aller chercher sa rançon à tous ses amis, et s'en alla tout droit à Barcelone, où le jeune duc de Cardonne, sa mère et Floride, estoit allé pour affaire. Sa femme Aventurade, sitôt qu'elle ouit les nouvelles que son mari estoit revenu, le dit à Floride, laquelle s'en réjouit comme pour l'amour d'elle, mais, craignant que la joie qu'elle avoit de le voir lui fait changer de visage, et que ceux qui ne la connoissent point en prince mauvaise opinion, se tint à une fenêtre pour le voir venir de loin. Et, sitôt qu'elle l'advisa, descendit par un escalier tant obscur que nul ne pouvoit connoître si elle changea de couleur, et ainsi, embrassant Amadour, le mena en sa chambre, et de là à sa belle-mère qui ne l'avoit jamais vue. Mais il demeura point deux jours qu'il se fait autant aimer dans leur maison qu'il estoit en celle de la comtesse d'Arande. Je vous laisserai à penser les propos que Floride et lui peuvent avoir ensemble et les complaintes qu'elle lui fait des mots qu'elle avoit reçus en son absence. Après plusieurs larmes jetées du regret qu'elle avoit tant d'être mariée contre son cœur que d'avoir perdu celui qu'elle aimoit tant, lequel jamais n'espoiroit de revoir, se délibéra de prendre sa consolation en l'amour et sûreté qu'elle portoit à Amadour, ce que toutefois elle ne lui osa d'éclairer. Mais lui, qui s'en doutait bien, ne perdoit occasion n'étant pour lui faire cognoastre la grande amour qu'il lui portoit. Sur le point qu'elle estoit presque toute gaignée de le recevoir, non à serviteur, mais à sœur et perfecte amie, arriva une malheureuse fortune. Car le roi, pour quelque affaire d'importance, manda un continent à Madour, dont sa femme eut si grand regret que, en ayant ses nouvelles, elle s'évanouit et tomba d'un degré où elle estoit, dont elle se blessa si fort que onque puis n'en releva. Floride, qui par cette mort perdoit toute consolation, fait tel duel que peut le faire celle qui se sent destituée de ses parents et amis, mais encore prend le plus mal en gré à Madour, car d'un côté il perdoit l'une des femmes de bien qui onque fut, et de l'autre le moyen de pouvoir jamais revoir Floride, dont il tomba en telle tristesse qu'il cuida soudainement mourir. La vieille duchesse de Cardone incessamment le visitoit, lui alléguant les raisons des philosophes pour lui faire porter cette mort patiemment. Mais rien ne servoit, car si la mort d'un côté le tourmentoit, l'amour de l'autre côté augmentoit le martyre. Voyant à Madour que sa femme estoit enterrée et que son maître le mandoit, par quoi il n'avoit plus occasion de demourer, eut tel désespoir en son cœur qu'il cuida perdre l'entendement. Floride, qui en le cuidant consolé, estoit sa désolation, fut toute une après-dînée à lui tenir les plus honnêtes propos qu'il lui fut possible pour lui cuider diminuer la grandeur de son deuil, l'assurant qu'elle trouverait moyen de le pouvoir voir plus souvent qu'il ne le cuidait. Et pour ce que le matin de bois partir, et qu'il estoit si faible qu'il ne se pouvoit bouger de dessus son lit, la supplia de le venir voir au soir, après que Chasquin y avoit testé ce qu'elle eût promis, ignorant que l'extrémité de l'amour ne cognoit nulle raison. Lui, qui se voyait du tout désespéré de jamais la pouvoir recevoir, que si longuement l'avoit servie et n'en avoit jamais eu nul traitement que vous en avez oeil, fut tant combattu de l'amour dissimulé et du désespoir qui lui monstroa tous les moyens de la hanter perdue, qu'il se délibéra de jouer à quitte ou à double pour du tout la perdre ou du tout la gagner, et se payer en une heure du bien qu'il pensoit avoir mérité. Il fait encourtiner son lict de sorte que ceux qui venoient à la chambre ne le pouvaient voir, et se plaignoient beaucoup plus qu'ils n'avoient accoustumé, tant que tous ceux de cette maison ne pensoient pas qu'ils dussent vivre 24 heures. Après que Chasquin l'eut visité, au soir, Floride, à la requête même de son mari, y alla, espérant pour le consoler, lui déclarer son affection, et que du tout elle le vouloit aimer ainsi que l'honneur le peut permettre, et se vint soit en une chaise qui estoit au chevet de son lict et commença son réconfort par pleurer avec lui. Amadour, la voyant remplie de tels regrets, pensa qu'en ce grand tourment pourroit plus facilement venir à bout de son intention, et se leva de dessus son lict, dont Floride, pensant qu'il fût trop foible, le voulut en garder, et se met à deux genoux devant elle, lui disant « Faut-il que pour jamais je vous perde de vue ?» se laissa tomber entre ses bras comme un homme à qui force défaut. La pauvre Floride l'embrassa et le soutint longuement, faisant tout ce qui lui estoit possible pour le consoler. Mais la médecine qu'elle lui bailloua pour amender sa douleur la lui rendoua beaucoup plus forte, car, en faisant le demi-mort et sans parler, s'essaya à chercher ce que l'honneur des dames défend. Quand Floride s'aperçut de sa mauvaise volonté, ne la pouvant croire, vu les honnêtes propos que toujours lui avoit tenus, lui demanda ce que c'estoit qu'il vouloit. Mais Amadour, craignant d'ouïr sa réponse, qu'il savait bien ne pouvait être que chaste et honnête, sans lui dire rien, poursuivit avec toute la force qui lui fut possible ce qu'il cherchoit. Dont Floride, bien estonné, soupçonna plutôt ce qu'ils fussent hors de son sens que de croire qu'ils prétendissent à son déshonneur. Par quoi elle appela tout haut un gentilhomme qu'elle savoit bien être en la chambre avec elle, dont Amadour, désespéré jusqu'au bout, se rejecta dessus son lict si soudainement que le gentilhomme cuidoit qu'ils fussent trespassés. Floride, qui s'estoit levée de sa chaise, lui dit « Allez, et apportez vistement quelque bon vinaigre. » Ce que le gentilhomme fait. Alors Floride commença à dire « Amadour, quelle folie est montée à votre entendement !» et qu'est-ce que vous avez pensé et voulu faire ?» Amadour, qui avoit perdu toute raison par la force d'amour, lui dit « Un si long service mérite-t-il récompense de telle cruauté ?» Et où est l'honneur, dit Floride, que tant de fois vous m'avez prêché ?»« Ah, madame, dit Amadour, il est possible de plus aimer votre honneur que je fais, car avant que fussiez mariée, j'ai su si bien vaincre mon cœur que vous n'avez su qu'ognoistre ma volonté. Mais maintenant que vous l'est, et que votre honneur peut être couvert, quel tort vous tiens-je de demander ce qui mien ? Car par la force d'amour, je vous ai gagné. Celui qui premier a eu votre cœur a si mal poursuivi le corps qu'il a mérité perdre le tout ensemble. Celui qui possède votre corps n'est pas digne d'avoir votre cœur, par quoi même le corps ne lui appartient. Mais moi, madame, durant 5 ou 6 ans, j'ai porté tant de peines et de maux pour vous que vous ne pouvez ignorer que à moi seul appartiennent le corps et le cœur pour lequel j'ai oublié le mien. Et si vous cuidez défendre par la conscience, ne doutez point que, quand l'amour force le corps et le cœur, le péché soit jamais imputé. Ceux qui par fureur même viennent à se tuer ne peuvent pécher, car la passion ne donne lieu à la raison. Et si la passion d'amour est la plus importable de tous les autres, et celle qui plus aveugle tous les sens, quel péché voudriez-vous attribuer à celui qui se laisse conduire par une invincible puissance ? Je m'en vais, et n'espère jamais de vous voir, mais si j'avois avant mon partement la sûreté de vous que ma grande amour mérite, je serai assez fort pour soutenir en patience les ennuis de cette longue absence. Et s'il ne vous plaise de m'outroyer ma requête, vous aurez bientôt de dire que votre rigueur m'aura donné une malheureuse et cruelle mort.